This is not my kind of stuff. Okay, it changed. Étant donné que j'ai remis Reaper, je ne peux pas utiliser le micro et la basse. Mm-hmm.